T'as toutes les caïras sur tes côtes, corps de diable et visage d'ange, aucune marche sur tes plates-bandes, chez nous on t'appelle la Thaïlande, car t'as toutes les caïras sur tes côtes, je suis dans le vaisseau, faut que je me vaisseau, je rentre au télo, je coupe le réseau, pour toi négro, va me tesso, car t'as toutes les caïras sur tes côtes, Marrakech, Phuket, voyager en jet, c'est ce qu'elles disent, t'as toutes les caïras sur tes côtes, Givenchy, Chanel, je veux ça italienne. Je suis bien le Los Angeles, connasse de copine des Crips. Je t'ai reçu dans ma suite comme si j'étais dans MTV Clips. Ces bâtards de jaloux maigrissent depuis que t'es tombé dans mes griffes. C'est plus une dent qu'ils ont contre moi, poteau c'est des griffes. Tu te la racontais donc pour te piquer, je m'assure à compter plus que toi. Je sais que t'es un paquet mais je l'ai joué comme si en vrai pas plus que ça. J'ai kiffé ta bouille, j'ai pisté ton boule, j'ai pisté la dégaine. Que Dieu me préserve des flammes de l'enfer et d'une meuf qui a des foutes dans ses DM. Bang bang bang. Quand ils te voient passer au quartier, tu leur fais rompre le jeûne tellement t'es nebo de tarter. Combien de voix se sont charclés, on fumait tout le pénètre leur renté. Tu me fais penser à la Iota, tellement t'as toutes les caïras sur tes côtes. Corps de diable et visage d'ange, aucune marche sur tes plates-bandes. Chez nous on t'appelle la Thaïlande. Sur tes côtes, je suis dans le vaisseau, faut que je me vaisseau. J'entre au télo, je coupe le réseau. Pour toi, négro, va me tes au car. T'as toutes les caïras sur tes côtes. Marrakech, Phuket, voyager en jet, c'est ce qu'elles disent. T'as toutes les caïras sur tes côtes. Givenchy, Chanel, je veux ça italienne. Tout ça pour elle. T'as toutes les caïras sur tes côtes. Tatoué en bas du dos. Cinq étoiles sont ses hôtels. Elle ne veut rien comme les autres. Elle veut ma recette, je suis dans l'aveugle, j'ai que ça dans la tête. Ils me font la roguer sans aucun regret, je tire à l'aveugle. J'ai fait parler le Audi, j'ai double L sur le Audi, yeah. Je l'ai vu dans le Audi, oui. Elle est chargée comme un Uzi, yeah. Ils vendraient sachet pour acheter ton cœur. Ces négros fauchés sont pleins de rancœur. Sur le marché, tu vois milliers de followers. Bang, bang, bang, la la la. Cette gitana voulait que j'ralla son margiela. Mental au sade, mandat dansé, c'est la loi. Mais paradisiaques sont les formes de son corps. Tu me fais penser à la Utah. Tellement. T'as toutes les caïras sur tes côtes. Corps de diable et visage d'ange. Aucune marche sur tes plates-bandes. Chez nous on t'appelle la Thaïlande. Car t'as toutes les caïras sur tes côtes. Je suis dans le vaisseau, faut que je me vaisseau. Je rentre au télo, je coupe le réseau. Pour toi, négro, va me tesso. Car t'as toutes les caïras sur tes côtes. Marrakech, Phuket,